aussi avoir un rêve d'enfant. Alors, quand j'étais petite, mon rêve était de devenir bibliothécaire. Et puis le temps est passé et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la musique. Donc je voulais travailler dans le milieu de la musique. Je voulais devenir DJ. Et plus tard, j'avais plutôt envie de me tourner vers un métier où on puisse parler les langues comme l'anglais, l'espagnol. J'aime beaucoup. Depuis l'âge de 5 ans. Mais c'était aussi un rêve d'enfant. Depuis toute petite. Alors pour moi l'informatique c'est mon projet professionnel, que c'est vraiment un truc que j'ai adoré. En gros j'ai commencé à aller sur un ordinateur quand j'avais 5 ans et du coup c'est ça où ça m'a plu. J'ai fait des recherches, j'ai fait des stages, je me suis formé avec un de mes moniteurs où je suis à l'ESAT et en gros je vais tout faire pour réussir mon projet en tant qu'assistant technique informatique. Depuis l'âge de 5 ans. Mais c'était aussi un rêve d'enfant. Depuis toute petite. Je m'appelle Juliette, j'ai 18 ans, je suis étudiante à Médine. Le travail, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque la création, parce que c'est ce qui m'a animée depuis toute petite. Médine peut m'offrir les compétences nécessaires pour avoir un travail qui m'épanouit. Par exemple, la création de scénographie pour une exposition. Depuis l'âge de 5 ans. Mais c'était aussi un rêve d'enfant. Depuis tout